Alors moi je suis là pour vous parler de la roue. La roue c'est une monnaie locale complémentaire qui est propulsée par l'association SEF13 dans les Bouches-du-Rhône. SEF ça veut dire système d'échange pour vitaliser l'économie. Voilà, donc c'est pour mettre l'économie au service de l'homme et de la planète, favoriser la solidarité, favoriser les circuits courts et voilà, donc remettre de l'humain dans l'économie et favoriser le bio, tout ça. Donc nos besoins sont énormes parce qu'on a besoin d'adhérents, on a besoin de bénévoles, volontaires qui aillent démarcher un petit peu les structures, les acteurs économiques pour étoffer le réseau. Et vous nous verrez tout à l'heure de toute façon. Merci.